Allez, d'être heureux, ouais. J'ai plus le temps de péter les plombs, je dois couper les plombs. Je reconnais le vice du piton, pour ça j'ai le don. Si nous imitons les vrais riches, on met pas de Louis Vuitton. Les dictons, on s'aimer, récolte tout ce que nous méritons. J'ai mis tant, donc je dois faire le double et ça c'est minimum. Pour vous faire rembourser au max tous les larmes de la mort. Tu sais même pas de pièces que tu dors, c'est moi j'achetais les murs. Sois patient, la feuille de coca cueille la compte et les murs. J'ai rêvé d'avoir une vie de paix, d'avoir une bonne épouse. On m'a dit tu les touches, j'ai fait un freestyle rip pour à Toulouse. Je ne voulais pas la fame, je ne voulais pas entrer dans la légende. J'ai fait de la musique car je ne voulais plus braquer les gens. J'étais un peu méchant, il faut le dire, la prison m'a calmé. J'étais très jeune et sur la tête de Wam que j'aurais pu canner. Ou j'aurais pu planer, tomber très bas, me tuer dans les shit. Fallait que je me réveille comme quand t'as rentré. Vous me prenez pas, celui qui va me niquer n'est pas né. Personne va m'enlever ma routine au milieu des palmiers. J'ai souffert, on peut pas le nier, on peut pas me lier. Des petits pions, manger rapidement sur le damier. Faut varier, avoir des réserves comme dans le parier. Hey, dans les plus grandes douleurs que l'on s'est rallié. Dis-leur au lit, le monde part en couille. Pendant qu'on part des nôtres comme de l'acier. Des enfants qui meurent plus vite qu'une rumeur. Non, je suis pas d'humeur. Des villes entières de devenus quadrillés. Ouais, je pourrais parier. Regarde l'état du monde. On aura l'air con quand on fera les comptes. Un geste son monte le son. Comptez pas ce bruit des bombes. Pas le perdu qui gronde. C'est la colombe de la paix qu'on plombe. Je vis pour qu'on écrive. A fait de son mieux sur ma tombe. Je suis en terrasse comme un vieux. Ça y est, la pression retombe. J'ai pris 10 000 flashs dans les yeux comme si j'étais la Joconde. Dans la musique, d'un coup, tout se complique. Dans ma vie, je suis en fuite comme la crime dans Clic. Et ça, on est où là? On va dire. Donc on a toujours pas le droit de le dire. Si ça s'infecte, frère, parle-moi sincère. S'il te plaît, enlève tes pincettes. Ma mère a un nouveau cancer, mais c'est pour moi qu'elle s'inquiète. Un pote qui bouge la tête. Un autre qui regarde la fenêtre. Une clope qui se consume sur le rebord d'une canette. Un ennemi qui te rappelle, qui finit enfin par admettre qu'il avait tort il y a des années quand il avait voulu te la mettre. Un regard qui a besoin d'aide, laisse pas le hasard aux manettes. Si j'oublie que je suis arabe, alors mon visage me le rappelle. Je viens de remplir un stade, pourtant je suis tout seul sous ma couette. Le pirate bloqué en mer s'évade quand il regarde la mouette. La crime, pourquoi on rappe? Donc passe pas pour le fric. Ni pour le stream, pour les filles ou pour collectionner les chiffres. Obligé d'apprendre à nager quand t'as chialé des rivières. Écrire pour oublier qu'on avait des vies de merde. Dis-moi, c'est quoi la rue? Beaucoup fantasme dessus. Pour la hype quand tu m'en parles, pourtant je vois bien que t'as l'air déçu. Dans la cour d'école, personne voulait être goal. Pas de cuillère d'argent dans la bouche, en vrai y'avait même pas le bol. Non, flipper de mon sort, dis quand c'est qu'on se barre. Hey, quitter le confort, casser le code pas. Vivre dans le déni de la routine. Regretter la vraie vie, passer l'hiver en Argentine. L'été en Algérie. La corde au cou, trop tard quand tu réalises que si t'es pas fort, mon ami tu deviens peureux, tu sais le matou. Mais deviens un être triste parce qu'on a rêvé d'être riche avant de rêver d'être heureux.